Zimrock. La mort de la poésie. De mâle mort mourut un matin la fille du ciel Poésie. Son prêtre mange peu d'ambrosie. Sans doute elle est morte de faim. On voulut l'enterrer avec pompe dans un cercueil d'or et d'argent. Pas d'argent, pas d'or qui ne se rompe. Tous deux ont perdu leur brillant. Afin d'embaumer son noble corps, on quiait du vin de porte en porte. Larges mythes, flacons à col retors, avaient tous fui d'étranges sortes. On désire une couronne blonde, en vain, l'hiver trône à plaisir. Après ce printemps dernier du monde, les fleurs ne doivent plus fleurir. Pour contempler cette triste fête, se pressent maints couples amoureux. Ils ne sentent pas blanchir leur tête, et les voilà devenus vieux. Quand on descend le cercueil en terre, la nuit arrive en voile noir, et le soleil ne veut plus revoir ce globe à jamais solitaire. Vient un chanteur que le prince envoie, sa bouche sonne sourd et creux. N'espérez désormais plus de joie, à tout bonheur dites adieu. Ensuite on tient le repas de deuil. Des flambeaux, la pâle lumière se reflète à chaque gris fauteuil, on dirait la cour mortuaire. Ils sont assis, perdus dans le rêve, le jour leur plairait tant à voir. Laissez-vous enterrer sur la grève, pauvre fou mort sans le savoir.